Merci de garder écoute aux émissions de la radio Sanganiro. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord le sommaire. 7 ans et 6 mois de prison est une amende de 1 million de francs burundais. Pour chacun, est une peine requise ce lundi contre le directeur de la prison de Rumonge et deux autres employés de cette maison de détention. Ils sont accusés d'avoir facilité l'évasion de 8 personnes présumées criminelles. L'État devrait penser à l'équité en matière de perception de taxes et impôts par rapport aux moyens financiers de la population burundaise. Ceci ressort d'un café de presse sur le budget général de l'État, exercice 2023-2024 organisé par le LUCOM ce lundi. 45% des superficies rizicoles en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura n'ont rien donné comme récolte au cours de la dernière année culturelle suite à une maladie baptisée Godoka. La panachure jaune qui a attaqué le riz, vous l'entendrez. Et la chronique sportive de ce lundi axée sur le harcèlement sexuel dans le monde du sport qui a plusieurs conséquences dans les équipes, notamment la diminution des résultats. Bienvenue à cette édition de la mise en onde assurée par Anselme. Ouvrons ce journal par la page justice. 7 ans et 6 mois de prison et une amende de 1 million de francs burundais pour chacun est une peine que le parquet général est près la cour d'appel de Bururi a requis contre le directeur de la prison de Rumonge et des autres employés de cette maison de détention. C'était ce lundi au cours de l'audience publique tenue en matière de flagrance. Ils sont accusés de la complicité dans l'évasion de 8 détenus poursuivis dans le dossier des cas de criminalité à Macheta Bururi. Les mois écoulés et la complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, des infractions rejetées par les accusés, les détails avec Zenon Zambiman. Dans ce dossier, le substitut du procureur général près la cour d'appel de Bururi, accusé Patrice Ngurikiye, directeur de la prison de Rumonge, Florence Nimbona, responsable du service juridique à cette prison, et Pelagi Nindamutsa, du même service, de deux infractions, à savoir la facilitation d'évasion de 8 détenus et la complicité à l'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Pour la première infraction concernant la facilitation d'évasion de 7 détenus, le substitut du procureur général près la cour d'appel à Bururi a fait savoir que ces 3 personnes ont préparé et délivré les billets d'élargissement pour les 8 détenus en date du 7 de ce mois en cours, alors qu'ils avaient reçu l'acte d'appel contre l'ordonnance de mise en liberté provisoire. C'est au moment où la chambre de conseil du tribunal de grande instance de Bururi avait libéré provisoirement ces détenus. Concernant la deuxième infraction, qui est la complicité à l'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, le représentant du ministère public a fait savoir qu'une autre personne a été gravement blessée le matin de samedi dernier par des inconnus à la machette sur la colline Mahonda de la commune et province de Bururi, ce qui serait lié à la libération de ces 8 détenus qui étaient poursuivis dans le dossier des cas d'assassinat à la machette observés en commune de Bururi les mois écoulés, selon toujours le substitut du procureur général à Bururi. Toutes ces deux infractions sont rejetées en bloc par les accusés et leur défense. Ces deux femmes du service juridique à la prison de Rumonge se sont exprimées en disant qu'elles ont mal interprété l'acte d'appel contre l'ordonnance de la mise en liberté provisoire. Quant au directeur de la prison d'Ormongue, il a indiqué qu'il n'a pas consulté tous les documents avant de signer ses billets d'élargissement. Mais tous ont avoué qu'ils ont commis une erreur professionnelle. Selon les avocats qui étaient sur place, toutes ces infractions manquent d'éléments constituants, surtout que ces 8 détenus ne se sont pas évadés, mais ont été bel et bien libérés par erreur, raison pour laquelle il n'y a pas de facilitation d'évasion. Pour la deuxième infraction, il n'y a pas de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État quand il n'y a pas d'auteur principal. Tous ces avocats demandent que leur client soit libéré. Avant de clore le dossier, le ministère public a requis 7 ans et 6 mois de prison ferme et une amende de 1 million de francs burundais pour chacune de ces trois personnes. La cour d'appel de Bruli a directement mis en délibéré le dossier, dont le jugement sera prononcé mardi le 22 août de cette année, selon le président du siège. Depuis Bruli, Zenon Zabimara pour la radio Isanganiro. Merci à Zenon Zambimana pour tous ces détails. L'État devrait penser à l'équité en matière de perception des taxes et impôts par rapport aux moyens financiers de la population burundaise. Dans un café de presse sur le budget général de l'État, exercice 2023-2024, organisé par l'OLICOM, l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. Les interventions sont également revenues sur la nécessité d'un bon retour des taxes et impôts au développement de la population. Le point avec Odenda Ishimi. Depuis la hausse des prix de certains produits par l'État, le président de l'OLICOM trouve que cela peut provoquer une hausse des prix qui handicape le pouvoir d'achat d'une population sans grande capacité financière. Le Burundais va avoir des difficultés à vivre normalement à cause de la lourdeur des taxes. Il doit y avoir de l'équité dans la perception de ces taxes. Les pauvres ne peuvent pas continuer à payer les taxes alors que les riches n'en payent pas. Gilbert Niongabo, expert en économie, explique que la hausse des impôts et taxes peut être favorable au développement du pays, mais que cela peut entraîner la hausse des prix des produits de première nécessité. Ces prix peuvent provoquer la montée de ceux des produits de première nécessité. Ainsi, par exemple, un cultivateur de bananes, de colocase ou de patates douces va revoir à la hausse le prix du sac de ces denrées à cause de cette hausse des taxes. Gabriel Rufyidi, président de l'OLICOM, apprécie l'adoption d'une taxe sur fortune comme les véhicules, mais annonce que cela est insuffisant. L'État a fourni un effort en procédant à la perception de la taxe sur fortune, mais en y regardant de près, cette taxe est minime et n'est que de 5%. Ceux qui achètent les véhicules le savent. Pour l'expert Gilbert Niongabo, la hausse de la taxe sur fortune est bénéfique pour le pays. Certains usagers de téléphone ont souvent 2 et certains propriétaires de maisons ont 3. Cela peut servir de base dans la perception des taxes, même si le problème est qu'il n'y a pas assez de temps pour une étude relative, car les taxes sont souvent revues chaque année. L'idée d'une taxe sur fortune est très bonne, même si les gens ne le perçoivent pas de la même manière. Malgré cela, il explique que la hausse des taxes et impôts se fait de façon progressive en vue d'éviter l'évasion fiscale. Merci à Odenda Ishimi pour tous ces détails. La décentralisation du pouvoir est l'un des objectifs de la création de la nouvelle province de Bujumbura. Le Premier ministre l'a dit ce dimanche dans la réunion préparatoire de la mise en place de cette nouvelle province. Selon les prévisions, Gervais Ndirakobuta ajoute que chaque commune de la dite province devra générer au moins 50 millions de francs bouts par mois. Il a fait appel à la population de cette province de travailler en synergie pour prendre le premier rang, pour rentabiliser la production et développer leur pays. Des détails avec Clovis Nyangoutou. Le Premier ministre Gervais Ndirakobuta fait savoir que l'objectif principal est la décentralisation du pouvoir. Il trouve que cela contribuera au développement des communes. L'octroi des documents administratifs qui se faisaient au niveau des communes se fera au niveau des zones. Cela favorisera le développement du fonds communal. Avec cette nouvelle délimitation, chaque commune devra générer au minimum 600 millions par an, soit environ 50 millions francs par mois. Emmanuel Sinzokagela, le président du Sénat, appelle les gouverneurs à trouver d'abord une solution aux irrégularités dénoncées dans leur province avant d'intégrer la nouvelle province de Bujumbura. Si nous voulons vraiment que cette province soit développée, elle regorge beaucoup d'opportunités. Je vous appelle à changer vos mentalités et vos comportements. Que tout désordre soit éradiqué et que vous soyez au même pied d'égalité. Selon le ministre Ezekiel Niwigila, une commission des experts chargée du développement et la réconciliation est nécessaire pour assurer l'unité entre les habitants de cette nouvelle province. Il y a des actions qui doivent être accomplies pour intégrer cette nouvelle province. Ces actions nécessitent une commission inclusive dans les différents secteurs. Les composants de cette commission doivent représenter leurs provinces respectives. Ainsi, qu'il n'y ait aucune province non représentée, cette commission doit être composée d'experts. En ce qui concerne le gouverneur, il doit être natif de cette province, souligne le premier ministre. Cette nouvelle province de Bujumbura ne sera gouvernée que par un originaire de cette province. Je pense que nous sommes d'accord sur cela. Celui qui pense qu'il pourra gouverner la province sans être son natif, qu'il aille voir ailleurs. Selon les nouvelles délimitations territoriales du Burundi, province de Bujumbura rassemble les anciennes provinces de Bujumbura, Bujumbura-Mairie, Bubanza, Chibitoke et la commune Bugarama et Morota, toutes de la province Rumonge. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Et dans le nouvel des provinces, la pénurie du carburant et certaines personnes qui n'acceptaient pas le vaccin sont certains des défis rencontrés qui ont fait que la couverture vaccinale contre la poliomyélite n'a pas atteint 100% en province Ngozi lors de la première campagne du mois de juin dernier. Le médecin provincial dit néanmoins être satisfait du fait que cette province a dépassé la cible de 95% des enfants de moins de 8 ans. Docteur Jean Bosco Nyondima demande plus d'efforts à tout un chacun pour que tous ces enfants de cette tranche d'âge soient vaccinés lors de la seconde campagne qui débute ce jeudi. Les détails avec Apollinaire Mzagara. Comme l'indique le médecin directeur de la province sanitaire de Ngozi, cette province a atteint 96% des enfants à vacciner contre la poliomyélite en juin dernier. Satisfaction donc du docteur Jean Bosco Niozima, qui dit avoir dépassé la cible de 95% parmi les réticents, des fidèles de certaines confessions religieuses qui refusent carrément tout vaccin. L'autre défi rencontré, selon le médecin provincial, est la pénurie de carburant qui handicapait les déplacements de certains vaccinateurs. Dans une réunion de mobilisation pour la seconde campagne de vaccination des enfants de moins de 8 ans contre la polio, Dr Jean Bosco Niyonzima appelle les administratifs à la base, les responsables des confessions religieuses, les agents de santé communautaire et autres, à une forte mobilisation pour que la cible attendue de 224 036 enfants soient vaccinés, y compris ceux qui ont affiché une certaine réticence. Ces enfants reçoivent 2 gouttes de vitamine A et des albendazole. Son second passage va débuter ce jeudi 17 pour prendre fin le 22 de somme. La troisième campagne pour éradiquer la poliomyélite aura lieu dans un mois et demi d'après son médecin provincial. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Ngozi cap sur la province de Bujumbura où 45% des superficies rizicoles en commune Mutimbuzi n'ont rien donné comme récolte au cours de la dernière année culturelle. Suite à une maladie baptisée Godoka, la panachure jaune qui a attaqué le riz, les cultivateurs demandent que les spécialistes donnent solution à cette maladie. L'agronome communal reconnaît que les récoltes ont beaucoup chuté à cause de cette maladie et conseille aux cultivateurs l'alternance du riz et des cultures vivrières en attendant que ce problème soit résolu, n'est-ce pas, Spescaritas Cabagnan? Cette maladie que les cultivateurs appellent Godoka, avec comme nom scientifique panachure jaune, s'est d'abord manifestée en zone Rukaramu, selon l'agronome communal de Mutimbuzi. La maladie se manifeste par des feuilles qui jaunissent et sèchent par après, avec absence de graines, selon les cultivateurs contactés qui disent qu'ils ont encaissé de grandes pertes. De son côté, l'agronome communal de Mutimbuzi explique que les chercheurs n'ont pas encore trouvé de produit efficace contre la panachée jaune. Contre la panachée jaune, les cultivateurs sont obligés de couper les tiges déjà atteintes, mais ceux qui ont donné ces herbes aux troupeaux ont malheureusement retourné la même maladie dans les champs par le transport de la bouse, selon Clémentine Ndihokugayo, agronome communal de Mutimbuzi. Elle conseille aux cultivateurs d'utiliser les semences sélectionnées de l'Institut Isabou qui peuvent un peu résister contre cette maladie, mais aussi faire l'alternance du riz et d'autres cultures dans leurs champs. Spécialitas Kavanyana en commune Mutimbuzi, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique sport. Le harcèlement sexuel dans le monde du sport a plusieurs conséquences dans les équipes, notamment la diminution des résultats du fait que les joueuses ne respectent pas convenablement les ordres exigés par les commanditaires de ces abus sexuels. Pour trouver solution à ce problème, Célestin Vutsebanga, professeur de l'éducation physique et des sports à l'Université du Burundi, précise qu'il faut faire une recherche approfondie qui montre l'état des lieux du harcèlement sexuel dans le sport afin de prendre les sanctions qui s'imposent. Chronique Sport avec Jean-Marie Vianney Ngendakouman. L'harcèlement sexuel dans le monde du sport a de nombreuses conséquences, notamment sur les joueuses qui peuvent tomber enceintes, ce qui pourrait stopper définitivement leur carrière sportive. Explication de Célestin Vusebanga, professeur de l'éducation physique et des sports à l'Université du Burundi. Les conséquences sont nombreuses du côté des filles, du côté de ceux qui font même ces harcèlements, ou même de l'ensemble de l'équipe ou de l'institution ou de l'organisation. Premièrement, pour les filles, c'est que conséquence, c'est qu'elles peuvent tomber enceintes. Ça, c'est l'arrêt de toute activité sportive dans la plupart des cas. Deuxièmement, les victimes des abus sexuels peuvent devenir paresseuses et fainéantes, ce qui peut entraîner les résultats médiocres dans les équipes respectives. Deuxième chose, c'est que pour la fille, elle peut devenir paresseuse ou fainéante du fait que, et c'est que même si elle ne fait pas de l'entraînement, ou si elle le fait rarement, et c'est quand même qu'elle se trouvera sur la liste de sélection. Ça, c'est une autre conséquence. Son professeur de l'éducation physique et des sports à l'Université du Burundi ajoute que l'harcèlement sexuel peut diminuer la performance des joueuses. Et l'autre, c'est qu'elle ne s'efforce pas, effectivement, de promouvoir ses propres performances. Et il a toujours peut-être envie d'aide, toujours demander une intervention de quelqu'un, alors qu'elle est capable de se prendre en charge, non seulement au sport, mais aussi dans la vie quotidienne, puisqu'elle est éduquée ou elle développe effectivement un comportement où elle ne peut rien faire sans intervention d'une autre personne. Ça, c'est du côté des filles ou des femmes. Les commanditaires des abus sexuels abandonnent eux aussi plus souvent leur carrière sportive, car il en gros, c'est les joueuses, seront toujours Célestin Vusseba. Du côté des dirigeants ou bien même des entraîneurs, c'est que si par exemple il fait tomber enceinte une fille, c'est qu'à un certain moment, il peut abandonner même sa carrière. Puisque vous savez que le sujet de sexe, c'est un peu tabou aussi. Pour ne pas peut-être perdre des honneurs, il risque de fuir ou même d'abandonner l'équipe. Donc il y a plusieurs causes qui font que l'entraîneur ou le dirigeant démissionne suite effectivement à cet acte. Pour lutter contre ces abus sexuels dans le sport, il suggère aux instances habilitées de mener des recherches approfondies afin de montrer l'état des liens du harcèlement sexuel en vue de punir les coupables. D'abord, faire une recherche plus ou moins approfondie qui montre l'état des liens de l'harcèlement dans le monde du sport au Burundi. Les statistiques montrent combien de fois il peut y avoir de harcèlement dans les équipes, dans l'administration, dans l'arbitrage, du côté des entraîneurs, donc partout. Et comme ça, on a l'idée de statistiques, puisqu'à un certain moment, j'imagine qu'il peut y avoir effectivement beaucoup d'actes, mais qui ne sont pas inventoriés ou qui ne sont pas documentés. Que ces recherches, l'étape suivante serait de sensibiliser sensibiliser les sportifs afin de réduire ces abus sexuels. Et après la documentation, dès qu'on a ces statistiques, il y a la sensibilisation du haut jusqu'au bas, ou même du bas jusqu'au haut. C'est des activités qui peuvent se faire simultanément. La sensibilisation pour réduire ces abus sexuels, cet harcèlement sexuel. Et après, effectivement, si avec les règles ou les lois qui sont là, on peut les adapter en fonction effectivement des statistiques trouvées, ou bien même renforcer les lois si on trouve quand même que la situation est tellement grave. Malgré cela, professeur Célestin Vousebanga apprécie la récente mesure qui a été prise par le Comité national olympique et sénat de mettre en place une commission chargée de suivre de près les actes d'harcèlement sexuel dans le sport. Voilà, c'est sur cette chronique sportive que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anselme pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Ndikobanyanga. L'actualité continue sur Sanganiso. Yeah.